Chapitre 2. D'Acapulco à Sigualan. Des quatre ports que le Mexique possède sur l'océan Pacifique, San Blas, Zacatula, Tehuantepec et Acapulco, ce dernier est celui qui offre le plus de ressources aux navires. La ville est mal construite et malsaine, il est vrai, mais la rade est sûre et pourrait aisément contenir 100 vaisseaux. De hautes falaises abritent les bâtiments de toutes parts et forment un bassin si paisible qu'un étranger arrivant par terre croirait voir un lac enfermé dans un circuit de montagne. Acapulco, à cette époque, était protégé par trois bastions qui le flanquaient sur la droite, tandis que le goulet était défendu par une batterie de 7 pièces de canon, pouvant au besoin, sous un angle droit, croiser ses feux avec ceux du fort Santo Diego. Celui-ci, pourvu de 30 pièces d'artillerie, commandait la rade entière et eût coulé immanquablement tout navire qui aurait tenté de forcer l'entrée du port. La ville n'avait donc rien à craindre, et pourtant, une panique générale l'avait saisie 3 mois après les événements ci-dessus racontés. En effet, un navire venait d'être signalé au large. Très inquiets sur les intentions de ce bâtiment suspect, les habitants d'Acapulco ne laissaient pas d'être fort peu rassurés. C'est que la nouvelle confédération craignait encore, non sans raison, le retour de la domination espagnole. C'est que, nonobstant les traités de commerce signés avec la Grande-Bretagne, et malgré l'arrivée du chargé d'affaires de Londres, qui avait reconnu la République, le gouvernement mexicain n'avait pas un navire à sa disposition pour protéger ses côtes. Quel qu'il fût, ce bâtiment ne pouvait être qu'un hardi aventurier, et les vents de nord-est qui soufflent bruyamment dans ces parages depuis l'équinoxe d'automne jusqu'au printemps devaient rudement prendre la mesure de ces ralingues. Or, les habitants d'Acapulco ne savaient qu'imaginer et se préparaient à tout hasard à repousser une descente d'étrangers, quand ce bâtiment tant redouté déroula à sa corne le drapeau de l'indépendance mexicaine. Arrivé à une demi-portée de canon du port, la Constanzia, dont le nom pouvait se lire visiblement alors au tableau de l'arrière, mouilla subitement. Ses voiles se relevèrent sur les vergues, et une embarcation déborda qui eut bientôt accosté le port. Le lieutenant Martinez, aussitôt débarqué, se rendit chez le gouverneur et le mit au fait des circonstances qui l'amenaient. Celui-ci approuva la résolution qu'avait prise le lieutenant de se rendre à Mexico pour obtenir du général Guadalupe Victoria, président de la Confédération, la ratification du marché. Cette nouvelle fut à peine connue dans la ville que les transports de joie éclatèrent. Toute la population vint admirer le premier navire de la marine mexicaine. Et vit dans sa possession, avec une preuve de l'indiscipline espagnole, un moyen de s'opposer plus complètement encore à toute tentative nouvelle de ses anciens maîtres. Martinez revint à son bord. Quelques heures après, le brick La Constanzia avait été affourché dans le port et son équipage était hébergé chez les habitants d'Acapulco. Seulement, lorsque Martinez fit l'appel de ses gens, Pablo et Jacopo avaient tous deux disparu. Le Mexique est caractérisé entre toutes les contrées du globe par l'étendue et la hauteur du plateau qui en occupe le centre. La chaîne des Cordillères, sous le nom général d'Andes, traverse toute l'Amérique méridionale, sillonne le Guatemala, et à son entrée dans le Mexique se divise en deux branches qui accidentent parallèlement les deux côtés du territoire. Or, ces deux branches ne sont que les versants de l'immense plateau d'Anahuac, situé à 2500 mètres au-dessus des mers voisines. Cette succession de plaines, beaucoup plus étendue et non moins uniforme que celle du Pérou et de la Nouvelle-Grenade, occupe environ les 3/5 du pays. La cordillère, en pénétrant dans l'ancienne intendance de Mexico, prend le nom de Sierra Madre, et à la hauteur des villes de San Miguel et de Guanaxato, après sa division en trois branches, elle va se perdre jusqu'au 57e degré de latitude nord. Entre le port d'Acapulco et la ville de Mexico, distants l'un de l'autre de 80 lieues, les mouvements de terrain sont moins brusques et les déclivités moins abruptes qu'entre Mexico et la Veracruz. Après avoir foulé le granit qui se montre dans les branches voisines du Grand Océan et dans lequel est taillé le port d'Acapulco, nos voyageurs ne rencontrent plus que ces roches porphyritiques, auxquelles l'industrie arrache le gypse, le basalte, le calcaire primitif, l'étain, le cuivre, le fer, l'argent et l'or. Or, précisément, la route d'Acapulco à Mexico offrait des points de vue, des systèmes de végétation particuliers auxquels prenaient, ou ne prenaient pas garde, deux cavaliers qui chevauchaient l'un près de l'autre, quelques jours après l'arrivée au mouillage du brick La Constancia. C'était Martinez et José. Le gabier connaissait parfaitement cette route. Il avait tant de fois arpenté les montagnes de l'Anahuac. Aussi, le guide indien qui leur avait proposé ses services avait-il été refusé. Et montés sur d'excellents chevaux, les deux aventuriers se dirigeaient rapidement vers la capitale du Mexique. Après 2 heures d'intro rapide qui les avait empêchés de causer, les cavaliers s'arrêtèrent. « Au pas, lieutenant !» fit José, tout essoufflé. « Santa Maria, j'aimerais mieux chevaucher pendant 2 heures sous Grand Cacatois pendant un coup de vent nord-ouest. »« Attends-nous, » répondit Martinez. « Tu connais bien la route, José? Tu la connais bien ?»« Comme vous connaissez celle de Cadiz à la Veracruz, et nous n'aurons ni les tempêtes golf, ni les barres de Taspan ou de Santander pour nous retarder. Mais au pas !»« Plus vite, au contraire, » reprenait Martinez en méprenant son cheval. « Je redoute sa disparition de Pablo et de Jacopo. Voudrait-il profiter seul du marché et nous voler notre part ?»« Par Saint-Jacques !»« Il ne manquerait plus que cela !» répondit cyniquement le gabier. « Voler des voleurs comme nous !»« Combien avons-nous de jours de marche à faire avant d'arriver à Mexico ?»« 4 ou 5, lieutenant. Une promenade. Mais au pas !»« Vous voyez bien que le terrain monte sensiblement !» En effet, les premières ondulations des montagnes se faisaient sentir sur la longue plaine. « Nos chevaux ne sont pas ferrés, » reprit le gabier en s'arrêtant, « et leurs cornes s'usent vite sur ces rocs de granit. Après, ne disons pas de mal du sol, il y a de l'or là-dessous, et parce que nous marchons dessus, lieutenant, ça ne veut pas dire que nous le méprisons. » Les deux voyageurs étaient parvenus à une petite éminence, largement ombragée de palmiers à éventail, de nopales et de sauges mexicaines. À leurs pieds s'étalait une vaste plaine cultivée, et toute la luxuriante végétation des terres chaudes s'offrait à leurs yeux. Sur la gauche, une forêt d'acajou coupait le paysage. D'élégants poivriers balançaient leurs branches flexibles au souffle brûlant de l'océan Pacifique. Des champs de canne à sucre hérissaient la campagne. De magnifiques récoltes de coton agitaient sans bruit leurs panaches de soie grise. Ça et là poussait le convolvulus ou jalape médicinal et le piment coloré avec des indigotiers, les cacaotiers, les bois de campèche et de gaïne. Tous les produits variés de la flore tropicale, dahlia, menzella, hélicanthus, frisaient de leur couleur ce merveilleux terrain qui est le plus fertile de l'intendance mexicaine. Oui, toute cette belle nature semblait s'animer sous le rayon brûlant que leur versait à flot le soleil, mais aussi sous cette insupportable chaleur, les malheureux habitants se tordaient dans les étreintes de la fièvre jaune. C'est pourquoi ces campagnes, inanimées et désertes, demeuraient sans mouvement et sans bruit. Quel est ce cône qui s'élève devant nous à l'horizon ? Demanda Martinez à José. Le cône de l'abri est à peine plus élevé que la plaine, répondit dédaigneusement le gabier. Ce cône était la première saillie importante de l'immense chaîne des Cordillères. Pressons le pas, dit Martinez, en prêchant d'exemple. Nos chevaux sont originaires des haciendas du Mexique septentrional, et dans leur course à travers les savanes, ils sont habitués à ces inégalités de terrain. profitons donc des pentes du chemin, et sortons de ces immenses solitudes qui ne sont pas faites pour nous égayer. Est-ce que le lieutenant Martinez aurait des remords ? Demanda Rosset en haussant les épaules. Des remords ? Non ! Martinez retomba dans un silence absolu, et tous deux marchèrent au trot rapide de leur monture. Ils atteignirent le cône de l'abri, qu'ils franchirent par des sentiers abrupts, le long de précipices qui n'étaient pas encore ces insondables abîmes de la Sierra Madre. Puis, le versant opposé descendu, les deux cavaliers s'arrêtèrent pour faire reposer leurs chevaux. Le soleil allait disparaître à l'horizon quand Martinez et son compagnon arrivèrent au village de Sigualan. Ce village ne comptait que quelques huttes habitées par des pauvres indiens de ceux qu'on appelle Mensos, c'est-à-dire agriculteurs. Les indigènes sédentaires sont en général très paresseux, car ils n'ont qu'à ramasser les richesses que leur prodigue cette féconde terre. Or, aussi, leur fainéantise les distingue-t-elles essentiellement et des Indiens jetés sur les plateaux supérieurs que la nécessité a rendu industrieux et de ces nomades du Nord qui, vivant de déprédations et de rapines, n'ont jamais de demeure fixe. Les Espagnols ne reçurent dans ce village qu'une médiocre hospitalité. Les Indiens, les reconnaissant pour leurs anciens oppresseurs, se montrèrent peu disposés à leur être utiles. D'ailleurs, avant eux, deux autres voyageurs venaient de traverser le village et avaient fait main basse sur le peu de nourriture disponible. Le lieutenant et le gabier ne prirent pas garde à cette particularité qui, d'ailleurs, n'avait rien de bien extraordinaire. Martinez et Rosset s'abritèrent donc sous une sorte de masure et préparèrent pour leur repas une tête de mouton cuite à l'écuvée. Ils creusèrent un trou dans le sol et après l'avoir rempli de bois enflammé et de cailloux propres à conserver la chaleur, ils laissèrent se consumer les matières combustibles. Puis, sur les cendres brûlantes, ils déposèrent sans aucune préparation la viande entourée de feuilles aromatiques. Et ils recouvrirent hermétiquement le tout d'embranchages et de terre pilée. Quelque temps après, leur dîner était à point, et le dévorèrent en homme dont une longue route avait aiguisé l'appétit. Ce repas terminé, ils s'étendirent sur le sol, le poignard à la main. Puis, la fatigue l'emportant sur la dureté de la couche et la morsure incessante de ses maringouins, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Cependant, Martinez répéta plusieurs fois dans un rêve agité les noms de Jacopo et de Pablo dont la disparition le préoccupait sans cesse.